je suis un peu dégoûté. J'aurais dû t'écouter, niquer tous ces fils de pute pour qu'on soit redouté. Un kilo sous la presse, je la coupe avec de la max. Attention, laisse pas d'empreinte si tu veux pas finir à freine. Moi y'a rien que je regrette, je graille, j'ai pris du grade. Mon père à la retraite, cet hiver je l'emmène en crête. Bien sûr je suis millionnaire, car y'a qu'aux riches que l'on prête. Bien sûr je suis visionnaire, c'est dans les proches qu'il y a les traîtres. Je me serais tatoué des Z, je me serais tatoué Tupac. La meilleure des défenses, fils de putain, c'est bien l'attaque. Toi t'appelles le 17, moi je le sors de ma sacoche. Pour trouver tes pistettes, parabellum c'est très fastoche. La vie est une course de fond, toi t'es précipité. Y'a pas de quoi s'inquiéter, personne ne s'est quitté. Être très bien équipé, tu sais ce que ça veut dire. J'ai tiré dans le passé, ça va toucher dans l'avenir. Dans le resto, une côte de bœuf que je gère avec la puff. Un gros loyer sur la rue Marbeuf. Jamais à mon nom, c'est pour les keufs. Ce mode de vie, on l'a pas choisi. Mec du sud, par ego. Faire du mitard à Nantes. Et des bagarres au comico. Avec mes potes, on rôde la nuit. J'fume des shit, j'ai les crocs. Poser de la peine à nos mères. Elle a pleuré des lidos. Combien j'ai niqué en frais d'avocat. Je sais pas, frère, c'est trop. Combien de gros bâtards voudraient nous faire. La vie, c'est pareil que Scarface. Et les jaloux quand t'en as faux. J'vous attends, bande de bien sûr qu'il y a des âmes, si y a la guerre. Des âmes longues et variées. Un toca rêve dans la Urus. Des Rikens et des Russes. C'est moi que tu vois passer à 200 sur la voie des bus. Y'a rien que je me refuse. Sur mon lit, la méduse. T'insultes après tu. Mon pote on l'a vécu ça, avoir un gros terrain qui tourne à 20 balles le jour. C'est pas demain que tu verras le jour si je te casse tes reins. Bah oui ça part en vrille, mon dieu préparez-moi. Mon gros c'est j'étais cuit, aucun fils ne te parlerait de moi. L'être humain est traître, avide, mauvais. Ils vont me pousser à l'erreur et je vais venir les lever. L'être humain est traître, avide, mauvais, ils vont me pousser à l'erreur et je vais venir les lever. Toi tu crois que la rue c'est un passe-droit, mais dehors c'est pas drôle. Tu veux ma vie, casse-toi, y'a que mes mômes qui auront le trône. Fais pas le mec qui se bastonne ou qui roule en Aston. Parce que franchement Aster, j'ai la rage de Dexter. J'parle plus avec beaucoup de têtes car y'a des fils de timbre. Tu veux la lumière, la recette, nous on viendra t'éteindre. Arrête ton charabia, viens pas te faire le mec qui est en place. Y'a trop de fabulateurs qui bon matin s'admirent devant la classe. Tu veux savoir comment j'ai fait pour en arriver là. Passer de la caravane de la Thèse, la Thèse au petit village. Je respecte autant ceux qui charbonnent que ceux qui t'affaut battre. Des rêves qui picravent la bonbonne et d'autres qui t'affaut black. En ce moment je redeviens bizarre, mes démons se réveillent. J'suis encore plus conscient et encore plus énervé que la veille. Et fais attention car dans ma ruche y'a beaucoup d'abeilles qui veulent juste avoir le monopole au cas où ça paye. Un couplet et j'performe, j'leur mets des coups de perfo. J'essaie d'y mettre la forme, vrai n'est pas super faux. Des frérots super fous qui t'attendent au carrefour. J'suis seul même en pleine foule, loco comme au Darfour. Une minute tu t'affoles et j'écris ça la nuit. Tu rap moi j'en raffole. Après les 12 coups de minuit, on me demande en message privé de leur écrire des albums. Jamais je vais dériver, ce que je vous prépare c'est de la bombe. 15 ans de musique plus tard, j'sors enfin mon premier projet. Hier j'étais juste un tétard, maintenant je vise l'apogée. Et mon équipe à vie, c'est Widlack et c'est CN. Donc c'est normal si bientôt dans ta rue y'a les sirènes.